mwen msanti mwen love, love, love, love, love, love, love, love, love, yeah. Est-ce qu'on comprend qui j'en msanti? Chaque fois t'y comploté nos bras, et chalet pour baby, excité en vie. I really wanna take you down. Mwen kap swe, pou de t'y kon koule yon badra. Everybody sing with me. I, oh, I.